Et puis, ça n'avait pas conclu final. Donc, on a toujours espérance que. Mais pour cette année, c'est sûr que non, on n'a pas personne là, qui s'est noyé. Okay. Local. OK. Donc, les activités vont commencer vendredi. Il va y avoir des spectacles tout autour un petit peu. Si on y allait avec le programme maintenant. Le vendredi soir, bon, les véhicules vont prendre place tranquillement sur le boulevard à compter de 2 heures environ. Le boulevard va se fermer aux environs 1 heure. Et puis là, il va s'installer de ces véhicules-là qui vont arriver au fur et à mesure de la journée pour en arriver à faire le début de la soirée, si on veut, vers 5h, 5h30. Et puis ça va s'animer, là. Il va y avoir tout de suite 3 DJ qui vont se relayer entre eux autres pour nous offrir une ambiance musicale et puis fêtive, aller jusqu'au programme de spectacle de Mordicus qui vont être là à partir de 9h30 environ. OK. Ben, Régent, on va te souhaiter la meilleure des chances pour la fin de semaine et au plaisir de se reparler pour différentes activités. Oui, manquez pas surtout aussi notre gros samedi. Samedi, on fait des courses à compter de 9h30 et puis ça dure, c'est un feu roulant toute la journée. Sur l'heure du souper, on a un beau gros souper dans les rues. Même si Dame Nature serait pas des nôtres, on a un chapiteau d'aménager, donc on est sûr et certain que le souper dans les rues va avoir lieu. Vers 9h30, le spectacle va prendre place. Pour arrêter un petit peu vers 10h, on sait qu'on a les feux d'artifice sur la rivière qui sont provinciales pour la fête de la Saint-Jean. Ouais. Et puis on revient au spectacle vers 10h pour terminer aux petites heures du matin en festoyant avec le groupe musical en place. C'est pas mal, Régent, c'est pas mal la meilleure date, là, la Saint-Jean pour vous autres. Là, c'est la date rêvée. Est-ce que vous avez amélioré les assistances depuis que c'était à Saint-Jean? C'est grandissant, et puis ouais. Cette année, ben, en ayant grossi un petit peu les spectacles, en étant cédulé vraiment depuis quelques années à la même date, ben, on constate que les gens se l'approprient de plus en plus et que cette année, on s'attend à avoir encore une meilleure assistance et vraiment supérieure aux années passées. Donc, on va vivre le tout, on va regarder comment ça s'est passé, mais ça me semble tout est amorcé pour faire vraiment une belle grosse édition. OK. Régent Côté, gros merci, au plaisir de se reparler. Au plaisir, puis bienvenue à tous. Manquez pas le bateau. Le président des régates de Saint-Félicien, Régent Côté.